Chapitre 10e, le divin poison. Le banquet commença. Au bout de la salle des fêtes, sur une estrade, à demi couché sur un lit de fleurs, Orlys et Férimonde dominaient les convives. Ils s'échelonnaient par ordre hiérarchique, et hormis le mage, invisible, pas un habitant de l'île ne manquait. Par une touchante fraternité, il n'y avait plus de serviteurs et chacun servait son voisin. Les mets les plus délicats, les vins les plus rares circulaient, mais tous n'y touchaient qu'avec réserve, habitués à jouir des choses et à n'en jamais abuser. La conversation même, allègre et dégagée, ne s'élevait pas au-delà d'un murmure ami. Une paix heureuse ennoblissait les regards et les visages des plus humbles. Il régnait une attente pleine d'espoir. C'est alors qu'on vit entrer le mage. Il portait en main une immense coupe d'or, pleine d'une sombre et verte substance, qui semblait une confiture d'herbes magiques et dont l'extraordinaire arôme troublait le cœur. S'approchant silencieusement des princes, il prit avec une spatule d'or une parcelle de la précieuse pâte et la déposa comme une hostie sur la langue de Férimonde. Orlys ensuite communia. Passant de table en table, le mage fit goûter à chacun la confiture verdâtre, qui n'était autre qu'un mélange de haschich pur de l'Inde et d'un poison froid qui paralysait la vie sans douleur. Quand les vierges, les seigneurs, les serviteurs, les laboureurs et les pêcheurs, tous eurent communié, le mage prit pour lui la dernière parcelle, et s'asseyant sur une haute chaise à bras d'ivoire, il croisa l'un de ses bras, soutenant de l'autre sa tête ridée d'où pendait une barbe de neige. Dans cette pose hiératique, il s'absorba dans ses méditations, les yeux comme rentrés au-dedans de lui-même. Et un grand silence descendit sur les convives, immobile comme si la mort eût déjà passé, tandis que la lumière éblouissante palpitait seule d'une vie chaude et fiévreuse. Bientôt, de grands soupirs de volupté s'échappèrent des poitrines, une étrange clarté sortit des yeux, un sourire d'extase vint aux lèvres, et des ondes de rire coururent légèrement dans l'air. Le rêve multiplié, agrandi par la substance merveilleuse, procurait à chacun l'avant-goût du bonheur, le sentiment de l'infini, l'ivresse de l'éternité. Cependant, Férimonde et Orlys, renversés sur leur lit de fleurs, se contemplaient, les mains unies, heureux. Ils ne sentaient plus leur corps, ils étaient spiritualisés. Une ivresse infinie, extra-humaine, les baignait. Ils étaient grands, forts, libres. Ils se répandaient dans l'espace et dans le temps. Ils participaient à l'immortalité des choses. Leurs pensées s'enlaçaient, tant ils se devinaient mutuellement et sans parler. Leur noce spirituelle s'accomplissait dans une possession adorable, mille fois plus intense que le vain contact des chairs. Ils s'étreignaient, ils se fondaient, ils s'épousaient dans l'âme. Et Orlys, dans sa joie indicible, faisant un effort pour rompre le silence trop beau, trop lourd, d'une voix à peine distincte, murmura ces vers, échappés de son cœur. Les murs tombent, l'azur resplendit et s'étale. Ma sœur, partons ensemble et donne-moi la main. Dans l'écarlate et l'or des lumières natales, suivons cet éclatant chemin. L'air calme est traversé de lointaines musiques. C'est notre âme, ma sœur, qui chante doucement, et devant nous, plein de parfums et de musique, reculent d'autres firmaments. Marchons. C'est infini moins que tes yeux rayonnent. L'aube éternelle monte en nos rêves vermeils, et derrière nos pas se lève et tourbillonne une poussière de soleil. Notre chair, elle est morte, et dans ces chants d'aurore, c'est le vol fraternel de nos vierges esprits. Et pourtant, dans ma main, la tienne tremble encore, comme au matin où je la pris. Férimonde ne lui répondit que par une pression de main plus forte, un sourire plus suave, un regard plus tendre. Alors, se soulevant, Orlys regarda ses compagnons. Il les vit à travers une lueur de songe, et il devina qu'ils étaient heureux. Sentant un froid étrange, mais non douloureux, lui glacer peu à peu les moelles, il devina que l'effet du poison commençait. Mais cette idée, au lieu de l'affliger, se réjouit comme une délivrance. Ses yeux rencontrèrent ceux du beau page et Orlys lui sourit. Voyant que Léoline écrivait sur des tablettes, il se pencha et lut au fur et à mesure par-dessus son épaule en souriant, car le poète enfant, exaltés par la mort avec un naïf désir de perpétuer le rêve auquel Orlys, Férimonde et tous les sujets de l'île sacrifiaient leur vie, et d'attester qu'il lui mourait fidèle, l'enfant, d'une main qui se raidissait, traçait un doux sonnet, épitaphe et testament, qu'il n'eut pas le loisir de relire, car la mort déjà lui raidissait le cœur. Orlys, ivre de rêve, se pencha pâmé vers Férimonde, souriante et froide et les yeux déjà clos. « Férimonde !» appela-t-il d'une voix mourante. Elle ouvrit les yeux, une pâle lumière erra sur leur émeraude. « Je t'aime !» dessinèrent ses lèvres sans qu'aucun son en sortît. « Rêvons !» répondit Orlys en lui-même, et il se renversa, expirant sur le sein de sa sœur.